force ennemie, troisième partie, chapitre 2. Si mon intention a été de m'isoler complètement avant d'accomplir les hauts faits qui doivent illustrer mon court séjour dans ma ville natale, il faut bien dire que je n'ai pas de chance. À peine ai-je quitté le restaurant et me suis-je installé au Darkour pour prendre le café de la délivrance que survient un ami qui me reconnaît tout de suite. C'est un vieux camarade dont je suis absolument l'obligé, qui a fait 20 fois l'impossible pour me sortir des affaires les plus ennuyeuses et les plus compliquées, sans que j'aie pu trouver une seule occasion de lui être utile ou agréable. Je suis bien entendu charmé de le voir sans me dissimuler que, dans mon actuel état d'esprit, je vais, à coup sûr, commettre quelque imbécilité qui diminuera son affection pour moi. Et je n'y manque pas. Il lui vient l'aimable mais très malheureuse idée de m'inviter à déjeuner pour le lendemain. Ah, vous me voyez d'ici, moi, hanté par la perpétuelle obsession d'êtres vrais ou imaginaires qui m'étudient, me surveillent, me prennent en flagrant délit de folie. Vous me voyez attablé dans une maison où la famille est assez nombreuse, le mari, la femme, une belle-mère, 3 enfants, 2 cousines et un vieil oncle. Rien qu'à ma façon de manger, à mes moindres mouvements, aux gestes même que je ne ferai pas, mais que je serai sur le point de faire, l'un ou l'autre des convives est capable de tout deviner. Je ne puis pas accepter, je ne puis pas, non, non. Que dire? Quel prétexte inventer? Oh, je ne sais plus, moi. Je réponds un peu brusquement. Demain? Non, merci, impossible. Mais un autre jour? Je ne découvre que cette excuse réellement stupéfiante. Ce n'est pas à faire. Je serai désagréable. Et mon ami a beau multiplier les arguments pour me prouver que je n'ai aucune raison de me dérober ainsi, que je suis presque grossier, il ne parvient à tirer de moi que cette éternelle réplique-refrain. Je serai désagréable, je serai désagréable. Il me quitte, médiocrement ravi de ma bonne grâce. Pendant un long moment, je demeure comme accablé, avec un gros poids sur le cœur. Mais ce Darkour que j'avais justement choisi parce que je le croyais peu fréquenté par mes anciens compagnons de lycée est donc devenu le rendez-vous de tous ceux que j'ai rencontrés dans ma vie de collégien et d'étudiant. Voici un haïtien, Rémilius Saint-Val-Antenax, que je croyais jamais terré à Port-au-Prince et qui reparaît au Quartier Latin pour 6 semaines. Il a du reste en poche son billet de retour pour Saint-Thomas et Puerto Rico. Bon garçon et gai, comme la plupart de ses compatriotes, il cherche à me faire rire et n'obtient pour réponse à ses plaisanteries que mon nouveau refrain à peine modifié. Je suis désagréable. Surpris et apitoyé, il s'oublie jusqu'à parler créole, lui, le puriste des puristes. Affirme que son chez Compé a gagné chagrin, traduction a été ensorcelée, et s'en va bientôt, rêvant sans doute de Wanga et de sombres maléfices, mais tout brillant de la tête aux pieds, brillant de son chapeau de soie à ses bottines vernies, brillant de ses yeux d'agate noire, de ses dents d'émail neigeux, de sa face d'or sombre, de son complet de drap noir comme satiné, de son plastron de chemise, pareil à un blanc firmament, aux étoiles scintillantes, de ses mains baguées. Voici Du Bousquet le médecin, Grain-d'Orge l'avocat, Galuski l'ingénieur onétien, les poètes Mauvais et Bonancourt, les peintres Croix, Luz et Briac, le musicien Brice, l'incomparable tsar Assurbanipal Dupont, concurrent et ennemi de Péladan, moins talentueux par exemple, voici même le juge Persil et l'ex-normalien Le Bégrier, transfuge de la rue d'Ulm, entré dans les ordres et devenu prédicateur à la mode. Un prêtre au Darcourt, je dois rêver. C'est bien lui pourtant, mais déguisé en monsignor romain, ce qui m'étonne. Ils sont des centaines maintenant qui se pressent dans le café, laissant pourtant un espace libre vers le centre de la salle. Tout à coup, on ferme les portes, on baisse les tonitruants stores métalliques, le patron de l'établissement fait un signe, et Irène tombe du plafond. Oui, elle, Irène, qui se met à danser toute nue sur le carré de plancher blanc, margé de costumes sombres, parmi lesquels la soutane du Monsignor éclate comme une touffe de violette au milieu de scabieuses. Irène danse nue, se penche, se relève, se cambre, semble s'offrir à toutes avec une furieuse lubricité qui me désole et me transporte. Et quelqu'un me saisit par le bras et me secoue. Je reconnais le poète Nélix. Grâce à lui, on a publié assez souvent des vers de moi dans la Revue Rouge, seul périodique parisien où j'ai eu la joie de lire mon nom imprimé. Le Darcourt a repris son aspect habituel, et cette fois, je ne rêve plus. « Eh bien, s'écrie Nélix, que se passe-t-il donc? Je vous surprends à dormir les yeux ouverts, comme tel somnambule plus que lucide, en adressant un sourire ineffablement triste à une bouteille de cognac du comptoir. Vous ne fumez pas d'opium, que je sache. » À celui-là, en abrégeant pour ne pas le fatiguer, je puis raconter mon histoire, et ne m'en fais pas faute. « Très joli tout cela, » me dit-il quand j'ai fini ma petite narration. « Mais vous n'allez pas demeurer ici jusqu'à 2 heures du matin. Dans les belles dispositions où je vous vois, vous seriez homme à vous griser comme un membre de société de tempérance et à confondre une fois lesté un banc du boulevard Saint-Michel ou même une bouche d'égout avec votre lit de l'hôtel du Périgord. Venez passer 1 heure ou 2 à la maison. » Je demeure tout près, comme vous le savez. Vous reprendrez votre équilibre au milieu de gens pondérés, et je vous reconduirai ensuite jusqu'à votre caravansérail. Je résiste un moment, plus effrayé que jamais des familles de mes amis. Cependant, Nélix, m'ayant mis presque de force sur mes pieds et entraîné sans écouter mes objurgations, je me retrouve sur la place du Panthéon, puis sur les marches d'un escalier, et enfin, sans avoir eu le temps de me reconnaître, dans une grande pièce claire, où des figures inconnues, mais agréables, me regardent amicalement. Un contretemps, la mère de Nélix souffre d'une terrible migraine. Je me promets dès lors de m'échapper le plus tôt possible, et même déclare tout haut, assez maladroitement, selon mon habitude, que je ne tarderai pas à la délivrer de ma présence. Malheureusement, mon ami me parle d'une de mes vieilles poésies qu'il a le tort de juger supportable. Cela m'étourdit d'une capiteuse bouffée de vanité. Je m'échauffe, je cause, je suis pétillant de sottises. On sert du thé. Je bavarde encore, de plus en plus satisfait de ma ridicule personne, malgré quelques nuances d'étonnement qui se manifestent sur les visages encore affables, mais peut-être ennuyés. Je devine, enfin, que j'ai assez fatigué mon monde et qu'une prompte retraite s'impose. Je vais me sauver. Je prépare même ma phrase de départ quand, ô fatalité, le timbre de la porte du carré retentit. Bientôt se présente un monsieur que je prends pour un visiteur quelconque. Et ne vais-je pas m'aviser, moi, l'ours mal léché, plein d'un assez raisonnable mépris, pour les œuvres qui traitent de la civilité puérile et honnête, ne vais-je pas m'aviser de me souvenir, fort inexactement du reste, de mes auteurs pseudo-mondains? J'en oublie la migraine de Madame Nélix. Que dit Madame Augusta du Pont-aux-Choux dans son immortel, non moins qu'étonnant livre, La politesse non folâtre, mais bourgeoisement suave? Elle s'exprime à peu près ainsi, en termes que je ne garantis pas, mais dont je crois rendre le sens. Lorsqu'un nombre suffisant de personnes sont réunies dans un salon, et que l'on annonce une nouvelle visite, celle de ces personnes qui est arrivée la première doit se retirer sans affectation, mais avec stoïcisme. C'est fort bien pensé. C'est une ingénieuse petite loi contre les encombrements. Mais comme, par malheur, j'ai la tête à l'envers, je traduis « Lorsqu'un échappé d'asile d'aliéné se trouvera chez des amis et verra entrer chez ses amis un monsieur inattendu, le dit aliéné aura soin de ne pas bouger, par crainte de paraître dire comme Madame Jagre « On est déjà assez de mufles comme cela » et n'oubliera pas que la dernière personne apparue a le strict devoir de filer la première. Sans cela, il donnerait à comprendre, cet aliéné, que l'intrusion du gentleman l'a embêté profondément. Et je reste, indéracinable, prodiguant avec une largesse asiatique les plus navrants échantillons de mon avantageuse imbécilité. J'en souffre d'autant plus que le nouvel hôte est gentil et spirituel. Mais pourquoi ne s'en va-t-il pas? Je ne puis pourtant pas avoir l'air de lui donner une leçon. Cela dure si longtemps que je me rappelle les douleurs céphalalgiques de Madame Nélix et vais, par pitié, me montrer impoli, en levant le siège malgré tous mes bons principes. Quand le tenace visiteur quitte lui-même sa chaise et me dit, après avoir jeté un coup d'œil du côté de la pendule, « Monsieur, veuillez m'excuser, mais il se fait tard. Ma mère est, comme vous le voyez, souffrante. Je ne vous cacherai pas que je suis moi-même atrocement fatiguée. Et, horreur, c'est le frère de Nélix, et il demeure là. » Je voudrais, traversant d'un seul coup les parquets des divers étages, m'abîmer dans les rafraîchissantes ténèbres du second hypogée des caves. Au même instant me réapparaît, retourné, remis à l'endroit, le texte véritable de Madame Augusta du Pont-aux-Choux. Ah, c'est complet! Ah, trop! Pour quel immonde rustre j'ai dû passer! Je me moque des proses civilisatrices de la sévère dame, mais c'est trop cruel de m'être aussi odieusement conduit par bourgeoisisme, moi! Qu'importe en effet que j'ai pris le contre-pied d'un usage admis par les snobs, gens du monde, si je ne l'en ai pas moins respecté, à ma manière, et pour aboutir à ce joli résultat. Certes, le frère de Nélix est encore magnanime, et j'aurais mérité d'être expulsé à coups de pied, mais je suis accablé de honte. J'ignore de quelle façon j'ai opéré ma sortie. Ah, quelle situation! J'en étouffe. Il me semble bien que, dans la rue, j'ai pris mes jambes à mon cou. Je n'irai plus chez personne, jamais. J'ai fait un bel usage de ma première journée de liberté. Saurais-je seulement me comporter désormais de façon assez décente pour qu'on ne me jette pas dans le premier charenton venu? Et c'est moi qui veux enlever Irène. Non, c'est impossible. Je vais me cacher très loin.